Le karma est une notion orientale qu'il faut éclaircir à la lueur de l'intelligence véhiculée dans l'esprit de l'Occident afin d'aller plus profondément dans l'étude de la loi de cause et d'effet, afin d'éliminer l'erreur d'interprétation qui semble inévitable lorsque nous employons un terme ou un concept qui s'est valu utile pour une partie géographique de l'humanité insérée profondément dans l'enseignement et l'étude des doctrines ésotériques de l'Ancien Monde. Tout être humain, tant qu'il n'a pas accédé à son intelligence individualisée, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas cessé de vivre du conditionnement d'un enseignement ou d'une éducation extérieure à lui-même, est voué à répéter les mêmes erreurs qu'il a toujours connues, compte tenu d'une légère correction due à l'expérience. C'est-à-dire qu'il sera voué à ne jamais comprendre parfaitement et complètement son action. Car l'acte qu'il commet n'est pas en fonction de son intelligence individualisée autonome, mais de son intelligence personnalisée, c'est-à-dire cette intelligence qui ne peut rien seule, si elle n'est pas soutenue par une hiérarchie de valeurs sociales contrôlée par la psychologie contemporaine de l'homme. Donc, cette intelligence, au lieu de devenir, avec le temps, un passe-partout pour l'homme, est vouée à ne répliquer que ce qui a déjà été permis historiquement. Cette répétition historique continue, moyennant de très légers changements de forme au cours des siècles, et l'homme est obligé de porter en lui, dans et à travers son intelligence, le sceau du passé, et ceci définit et décrit le contour de sa personnalité. S'il va au-delà de ses bornes, la chance qu'il devienne proie à un dérangement quelconque, à une folie quelconque, à une sorte d'anxiété, le guette, car à moins d'être un esprit très évolué, il ne pourra supporter le poids de ce que pourrait lui faire vivre une intelligence libre du karma humain, c'est-à-dire une intelligence qui n'est plus au service de l'ego, mais au service de l'esprit. La différence est profonde et absolue pour l'homme. Ce n'est plus une différence philosophique, c'est une différence d'énergie dans le mental humain. Si nous regardons l'humanité passée et présente, nous voyons qu'elle n'a pas évolué. Certes, elle a changé, mais elle n'a pas évolué. Elle a simplement raffiné son intelligence karmique. Elle a simplement corrigé légèrement les aspects nuisibles et les plus primitifs de l'intelligence historique, afin de se mieux situer dans un monde où la pensée d'aujourd'hui s'accorde mieux avec la réalité de l'homme que la pensée d'hier. Mais regardez derrière la pensée humaine et vous verrez qu'elle n'est pas plus intelligente aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. La preuve, c'est que nous en sommes encore à l'état de la guerre et des conflits humains. Autrement dit, l'homme n'apprend pas par ses erreurs, il les répète différemment, et ceci, c'est le progrès. Alors, le karma, c'est une forme d'intelligence que l'homme est obligé de vivre et qui l'amène à commettre ou à vivre des actions qui se répercutent dans le temps et qui le poussent en tant qu'être à revenir dans la matière, afin de prendre de l'expérience suffisamment pour qu'un jour il n'ait plus à y revenir, car il aura dépassé l'intelligence karmique. Donc, il sera libre de son corps matériel, mais pour que l'homme se libère un jour en esprit, il faut que le karma de son intelligence soit épuisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne les lois de la vie, les lois de la forme, les lois de sa mémoire. Car sa mémoire fait partie de son intelligence. Donc sa mémoire est karmique, c'est-à-dire qu'elle est la mesure de ce qu'il doit vivre sur le plan matériel avant de libérer son esprit de la matière. Le karma est directement relié à l'intelligence humaine, car la mémoire de l'homme ne s'efface pas après la mort. Elle est conservée, et lorsqu'il revient sur le plan matériel, son esprit continue à utiliser cette mémoire vibratoirement, et l'âme ou la mémoire devient le matériel qui sert de toile de fond à l'homme, jusqu'à ce que son esprit se soit libéré d'elle afin de vivre sur le plan matériel librement, c'est-à-dire sans le support de cette intelligence qui fait partie du passé de l'humanité. Voilà pourquoi l'homme ne peut évoluer. Tant qu'il n'a pas cessé d'utiliser cette intelligence qui est karmique. Le lien entre l'intelligence humaine et le passé de l'humanité est tellement puissant que l'homme est obligé de rêver pour le réaliser et ne pas l'oublier. Car s'il ne rêvait pas, il serait malade, c'est-à-dire que son ego ne serait pas capable de vivre de son intelligence, car elle doit être reliée au passé pour qu'il puisse s'en servir. Car c'est dans le passé qu'elle existe. Donc, si l'intelligence de l'homme existe dans le passé, il est évident qu'elle est karmique et qu'il ne peut être libre dans son esprit tant qu'il n'a pas compris ceci. L'intelligence de l'homme n'est pas libre, c'est-à-dire que, quelle que soit son apparence intelligente, elle n'est que reflet. Elle n'est que réorganisation à l'infini de la mémoire. Donc, elle est karmique, elle est l'aboutissement de l'involution de la pensée qui devient action. Si l'homme se découvrait instantanément une intelligence libre, il serait totalement confondu, car il ne la comprendrait pas selon sa mémoire. Donc, il perdrait probablement son esprit, à moins de la vivre d'une façon parfaite, c'est-à-dire dans un état d'expérience de fusion, où son esprit, prenant le contrôle du double, interpréterait sans obstacle et sans interférence cette intelligence pour le bénéfice de l'ego. Un tel choc forcerait l'homme à se recroqueviller dans les paliers sous-conscients de sa mémoire, et ce choc le rendrait végétatif. Si l'intelligence est karmique, ceci veut dire que le karma humain équivaut à l'ignorance, c'est-à-dire à l'absence de volonté libre, celle-ci étant le produit de la condition d'une intelligence libre à travers l'homme non soutenue ou sous-tendu par une mémoire, un karma. Le karma va beaucoup plus loin que la pensée orientale a voulu ou pu le démontrer. Car pour comprendre la valeur du mot karma, il faut se servir d'une intelligence qui n'a jamais servi, c'est-à-dire une intelligence qui crée instantanément les données du savoir humain en fonction de son application individuelle sur la Terre, et non en fonction d'une conscience socio-religieuse ou socio-philosophique arbitraire. Le karma est l'utilisation complète, selon la mesure de chaque homme, de l'énergie de la mémoire, afin de créer sur terre un miroir de la mort, c'est-à-dire un miroir de ce qu'existe sur les plans invisibles de l'âme, où la mémoire manque d'un principe, celui de la vie matérielle. D'ailleurs, c'est cette absence de principe de vitalité matérielle dans ces mondes qui fait que sur la Terre, sur le plan matériel, la vie est si féconde, car pour que la Terre soit fécondée, il faut que le karma cherche à se manifester, et quoi de mieux que le véhicule mortel de l'homme. Il nous est difficile de penser en termes de vie sans nous servir du support de la vie matérielle pour lui donner une valeur. Mais reste à l'homme à découvrir que la vie, essentiellement, n'est pas physique, mais autre. La physicalité de la vie n'est que le résultat de l'appointement de l'intelligence karmique avec la matière. Pour que naisse et se diffuse dans le temps le phénomène humain qui remplit le rôle de porteur de lumière, alors que la lumière qu'il porte n'est pas du tout intelligente, mais plutôt de qualité opposée, c'est-à-dire ignorante. Mais pourquoi l'homme doit-il connaître l'intelligence karmique avant de connaître l'intelligence pure et libre? Parce qu'il ne peut utiliser cette intelligence, qui est d'une autre vibration, tant qu'il n'a pas construit ses corps subtils. Les corps subtils de l'homme, les corps inférieurs, sont le support de l'intelligence karmique, c'est-à-dire qu'elle est vécue en fonction de la vibration de ses corps inférieurs. Lorsque l'homme avance dans l'évolution ou entre dans le cycle de l'évolution, qui est le cycle de la construction de corps subtils supérieurs, il peut commencer à absorber ou à utiliser cette énergie d'intelligence libre, car elle n'est plus susceptible d'endommager l'être humain. Autrement dit, il est prêt, il est solide, sinon il craque. L'intelligence libre, contrairement à l'intelligence karmique, n'utilise pas les réservoirs d'énergie inférieure de l'homme, localisés dans son corps astral. Elle utilise les réservoirs d'énergie localisés dans son mental supérieur, donc il ne peut jamais être vidé à sec par cette intelligence. Autrement dit, elle ne peut le détruire comme le peut l'intelligence karmique, car sur le plan mental, les réserves ne sont pas sous le contrôle de l'ego. Les réserves d'énergie de l'intelligence karmique sont localisées dans le corps astral de l'homme. C'est pourquoi il ne peut utiliser son intelligence sans émotion, alors que dans l'utilisation de l'intelligence libre, les réserves étant dans le plan ou le corps mental supérieur, l'homme n'est jamais voué à la destruction par cette intelligence, car elle se sert d'une énergie qui émane de plus haut que lui, c'est-à-dire plus haut que le plan de sa mémoire. Voilà pourquoi nous appelons cette intelligence « intelligence solaire » plutôt que lunaire, car elle n'est pas assujettie aux influences astrales. Elle est libre de ses influences et peut donc les contrer, ce qui donne à l'homme une intelligence libre, libre de toute mémoire qui puisse la servir à son émotivité. Le karma ou la mémoire astrale de l'homme est tellement puissant que l'intelligence karmique est impuissante devant la mort, c'est-à-dire que l'homme est incapable de comprendre la mort, et cette incompréhension est fatale, car elle le vide éventuellement de ses réserves d'énergie, et ceci le force à la fin de sa vie à se les voir retirer à cause de l'amincissement extrême du cordon qui lie le corps astral au plexus solaire. Devenu trop mince, ce cordon ne peut plus les retenir et il s'endort, ou plutôt s'élève, sur un plan où il redevient mémoire, car il a perdu le sens de sa personnalité à cause du manque d'indépendance d'esprit qu'il avait lorsqu'il était sur Terre. Même si cette indépendance d'esprit n'était pas suffisamment perfectionnée pour lui donner une intelligence libre sans karma. L'indépendance d'esprit est une des plus grandes qualités de l'intelligence libre, car elle permet à l'homme d'explorer à volonté la mémoire de l'humanité et de comprendre pourquoi il est sur Terre dans ses moindres détails. Observation importante, puisqu'il y va de la conscience de se situer vis-à-vis tout ce qui existe sur les plans supérieurs de la matière, puisque l'homme doit y retourner. L'intelligence karmique est un défi pour l'esprit, ou l'esprit libre, car elle s'oppose dans son infinité à l'infinité de l'esprit. Donc, elle est aussi puissante que l'ego, mais inférieure en puissance à l'intelligence de l'esprit, ou l'esprit libre. Dès que l'ego a commencé à comprendre qu'il y a plus à la vie que ce qu'il voit ou comprend. À partir de ce moment, l'intelligence karmique commence à perdre de son pouvoir sur l'homme et lui commence à évoluer au lieu d'involuer. L'occasion propice pour l'ouverture du mental supérieur chez l'homme, c'est le choc. Car le choc, soit un choc de vie, ou un choc de la parole, entraîne une grande excitation dans l'esprit de l'homme, et cette excitation fait de plus en plus vibrer l'esprit, et plus il vibre, plus l'intelligence karmique est secouée dans ses fondations, car elle ne peut expliquer à l'ego ce qui se passe au niveau de son esprit, dont la manifestation dans le mental supérieur créera le passage de l'énergie de l'intelligence libre. L'intelligence karmique détruit la communication entre l'homme et les sphères, car elle ne peut supporter ce qui est évident, ce qui est réel. Plus l'intelligence est karmique, moins elle peut canaliser ce qui est évident et réel, au-delà du sens raisonnable, car ce qui se rapporte au sens est matériel, et le matériel, le sensible, le raisonnable, rend l'homme prisonnier de l'intelligence karmique. Lorsque l'intelligence karmique commence à perdre son pouvoir sur l'ego, on voit se dessiner chez ce dernier un début d'intelligence libre, que l'on peut appeler intuition, voyance, etc. Autrement dit, ces facultés chez l'homme qui font partie d'une énergie de plus haute vibration que la mémoire. C'est alors que souvent il se crée chez l'homme un choc de réalisation qui mène au déblocage d'une plus grande intelligence libre. Mais l'intelligence libre ne le devient parfaitement que lorsque le corps mental supérieur est totalement développé, c'est-à-dire lorsque la réserve d'énergie astrale a suffisamment été transmutée pour permettre que l'intelligence supérieure occupe toute la conscience de l'homme. Nous pouvons appeler ceci la fusion, c'est-à-dire cet état d'intelligence libre où l'homme n'a plus besoin de mémoire karmique pour prendre conscience ou être conscient. Le karma ou l'intelligence libre permet à l'homme de s'assurer qu'il peut être heureux sur Terre. Car c'est cette valeur de l'intelligence karmique qui est la cause derrière la crainte de la mort. Et c'est ce mécanisme qui permet à l'homme de souffrir afin d'être heureux un peu. La souffrance inconsciente humaine l'aiguillonne et le pousse à chercher le bonheur. Et c'est ce qui donne à la civilisation les outils nécessaires pour qu'elle progresse. Voilà pourquoi le bonheur subjectif est important sur Terre pour l'homme inconscient qui utilise l'intelligence karmique, car c'est cette force qui lui permet de perfectionner et de faire avancer sa civilisation. Mais lorsque l'homme commence à utiliser l'énergie de son intelligence libre, ce n'est plus le bonheur subjectif qu'il cherche, mais la paix, car il a lui aussi souffert le passage d'une intelligence à une autre et a découvert les illusions de l'intelligence karmique. Donc, il ne cherche que la réalité de l'intelligence pure, c'est-à-dire la paix qui convient à l'ego dans son équilibre nouveau. Lorsqu'il a cette paix, il peut facilement voir et réaliser qu'il n'est pas sur Terre pour être seulement heureux subjectivement, mais qu'il est sur Terre pour passer éventuellement à un autre niveau d'expérience qui est le résultat de la conquête de l'intelligence libre sur l'intelligence karmique. Donc, ce qui est important pour lui, c'est d'être bien dans sa peau, ce qui veut dire être en dehors de la mémoire de l'intelligence karmique, jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer ou à entrer en contact avec un monde parallèle à la matière, où il pourra se véhiculer en esprit, au lieu de se retrouver dans le monde de la mort, où il n'est que mémoire, dépersonnalisé, c'est-à-dire sans support d'esprit. L'intelligence libre est le pouvoir du double sur l'ego. Toute intelligence libre procède des forces de vie dans l'homme, et le support de cette intelligence nullifie toute intelligence karmique et ses répercussions dans la vie de l'homme. Lorsqu'elle commence à imprimer sa réalité dans la conscience humaine. L'intelligence karmique, par contre, retarde toujours l'homme, car elle découle de son attachement émotif à la forme. C'est pourquoi la libération de l'esprit ou de l'énergie qui active le double humain ne peut être utilisée pour l'évolution totale de l'homme, cette évolution qui doit le rendre conscient de son double et lui permettre d'utiliser les forces de l'esprit à la conquête du monde de la matière. Dans le monde de la mort, l'intelligence karmique renforcit l'illusion que l'homme ne peut agir seul dans la vie, c'est-à-dire sans le support d'autres forces que les siennes. Et ce renforcissement fait partie de l'organisation émotive de l'homme, de sorte qu'il lui est difficile de voir le jour où il pourra tout prendre en main, la vie elle-même. L'exclusion de la conscience égoïque du domaine de l'intelligence de la vie ou de l'intelligence libre laisse croire à l'homme qu'il est dominé par des forces supérieures, lorsqu'en fait, les seules forces qui peuvent le dominer sont celles qui se servent de son intelligence karmique pour l'empêcher d'aller plus loin dans son évolution vers la libération totale de son esprit. L'esprit de l'homme est l'énergie fondamentale de sa réalité, et cette énergie doit être au service de l'homme conscient, c'est-à-dire du double. Et ceci n'est possible que lorsque l'homme, l'ego, a cessé d'être subjectif ou karmique dans son intelligence. Cette dernière détermine la base de l'action humaine, car elle façonne l'événement selon la subjectivité de l'être. Si l'événement dans la vie n'est pas amené sous le contrôle du double, l'homme est forcé de subir les conséquences de son intelligence karmique et d'en souffrir. Le problème le plus profond concernant l'intelligence karmique, c'est l'énergie astrale ou inférieure qu'elle crée. Et cette énergie peut devenir si puissante que l'homme est sous son empire et demeure sous l'impression que sa vie va mal à cause des forces qui agissent en lui au lieu de réaliser que les forces créatives en lui sont bloquées par cette énergie et qu'elles ne peuvent l'éclaircir ou rendre facile sa vie, car elles n'ont pas de pouvoir sur son mental qui est alourdi par l'astral ou le karma de la mémoire de l'intelligence. L'homme est un phénomène qui n'est pas compris de lui-même. Et tant que l'homme ne comprend pas son propre phénomène, sa propre phénoménologie, il sera impuissant à travailler sur terre et sa matière. Il demeurera esclave des conditions planétaires de vie. L'intelligence karmique est un boulet au pied de l'homme, mais ce boulet est lié à son pied depuis si longtemps qu'il n'en a plus conscience. Et dès qu'il commence à en prendre conscience, il se décourage du poids jusqu'à ce qu'il l'ait complètement éliminé. Il ne s'agit pas d'être très avancé dans l'intelligence libre pour réaliser que l'homme est prisonnier de lui-même et qu'il ne sera libéré que lorsque son esprit ou son intelligence sera libre. Le double de l'homme sert de connexion entre son esprit et son corps matériel, et cette connexion est le pouvoir exécutif chez l'homme, alors que l'esprit est le pouvoir créatif. Lorsque l'esprit et le double se rencontrent, c'est-à-dire lorsque l'homme prend conscience de lui-même totalement, il n'est plus régi par l'intelligence karmique, c'est-à-dire qu'il n'est plus assujetti dans la vie et il n'est plus assujettissable. Il devient graduellement un survivant. Lorsque l'homme devient un survivant, il appelle constamment à son énergie vitale, éthérique, et graduellement ne vit que de cette énergie, car elle est parfaite. Elle est parfaite dans ce sens qu'elle n'est pas contaminée par les basses vibrations de l'astral humain. À partir de cette période, l'homme devient graduellement sur-homme, c'est-à-dire qu'il prend conscience du pouvoir vibratoire, exécutif et créatif en lui. Et c'est à partir de ce temps dans sa vie que l'homme évolutif cesse pour devenir l'homme nouveau ou l'homme de l'évolution ou le sur-homme. Mais tant que le pouvoir de l'intelligence karmique n'a pas été neutralisé chez lui, il demeure impuissant. Donc, si pour une raison ou une autre, la fin d'un cycle coïncide avec son expérience de vie planétaire, la fin du cycle, avec tous ses événements, le confondra, car il n'aura pas le pouvoir exécutif du double et créatif de l'esprit pour se soustraire aux conséquences extraordinaires du pouvoir des forces astrales qui se déchaîneront contre l'humanité et l'homme individuellement. Donc, il ne pourra survivre. Lorsque le double et l'esprit se rencontrent, l'homme prend conscience de lui-même. Il est capable alors de ne plus être suffoqué par l'astral, de sorte qu'il peut enfin se sentir. Et se sentir veut dire se sentir dans un sens très particulier. L'homme qui se sent se réalise comme étant un point central de la vie. Il n'est plus simplement un être périphérique sur une planète. Il est une entité physique et psychique, et cette sensibilité provient de la liaison étroite entre l'esprit et le double, et leur coordination avec l'être matériel. Donc, lorsque l'homme commence à pouvoir se sentir, il peut commencer à réaliser l'importance créative et exécutive de sa vie. Alors, il n'est plus dans la conscience réflexive de l'ego, il est dans la conscience créative et exécutive des forces invisibles en lui, canalisée à travers l'ego. Il ne se sent plus homme comme par le passé. Il sent et sait qu'il sent et sent qu'il sait. Et ceci l'amène à vivre en dehors de la matière astrale de son ancienne conscience pour ne vivre que de la matière mentale rendue conscientisée, c'est-à-dire canalisée par l'ego sous le pouvoir créatif de l'esprit et exécutif du double. Il est important que l'homme se sente dans le sens ici indiqué afin de réaliser la triple union de l'esprit, du double et de sa partie matérielle. Car tant que l'homme ne se sent pas, il ne vit que psychologiquement sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'a de réalité qu'en fonction de ses sens et de ses pensées subjectives, autrement dit, de son intelligence karmique. Elle est alors très concrète matériellement, mais elle n'est pas concrète autrement. Et c'est pourquoi l'homme est toujours à la recherche de quelque chose dont il ne comprend pas la présence. C'est le lien entre l'esprit et le double. Alors l'intelligence karmique, afin de permettre que l'esprit prenne possession éventuelle du double, devait rendre l'homme conscient de ses possibilités matérielles au début, car si l'homme n'avait pas d'abord pris conscience de ses possibilités matérielles, le pouvoir du double aurait été trop grand et l'homme, l'être matériel, serait devenu robotisé, vivant en fonction du double et de l'esprit au lieu de pouvoir se servir sur le plan matériel du pouvoir exécutif et créatif de ces deux principes de vie. Donc l'homme est tricéphale. Il y a en lui trois pouvoirs qui s'exercent. Le pouvoir de l'esprit qui naît de plan très élevé, le plan mental. Le pouvoir du double qui naît du plan éthérique qui supplante la matière. Et le cerveau physique qui supporte et coordonne toutes ses activités pour permettre qu'il y ait sur le plan matériel personnification de l'énergie. Donc l'homme doit être conscient des trois principes qui le constituent et amener ces trois paliers à leur équilibre total. Et ce n'est que lorsque l'ego est libre de l'intelligence karmique que la réalisation de ces trois paliers est possible. L'homme survit alors aux lois de la matière car il n'est plus sous leur domination. Il est total, c'est-à-dire qu'égoïquement, il peut se connecter au double ou à l'esprit, afin de faire prévaloir sur le plan matériel les lois nécessaires à la survie de son être matériel. L'intelligence karmique de l'homme ne peut le conduire plus loin dans le temps qu'à l'expression de son astralité, car cette intelligence est sévérée de son esprit. Donc, le raccord entre le double de l'esprit et l'ego est impossible tant que la mutation ne se soit établie. Les forces de vie chez l'homme, l'esprit et le double doivent être réunies afin que ce dernier épouse une vie nouvelle. Pour que l'homme demain survive, il doit être libre de sa mémoire et des conséquences de cette mémoire sur sa vie. Sinon, il devra s'interroger inutilement sur les faits et gestes de l'humanité qui vont lentement, mais à temps, vers la confrontation entre les forces créatives et destructives. L'homme doit passer dans un camp ou dans un autre s'il veut survivre. Et la survivance ne tient que de l'affaiblissement graduel du support psychologique de l'intelligence karmique, de la mémoire humaine. L'homme nouveau, celui qui survivra, apprendra ou appartiendra plutôt à une race totalement mentale, dotée de pouvoirs nouveaux sur la matière. Et l'activité du double chez le nouvel homme éteindra à jamais le pouvoir de l'intelligence karmique, car le double ne cherchera pas à dominer l'ego. Il fera vibrer la matière sous le contrôle de l'ego, et l'homme sera maître de cette matière. Chaque homme possède ou a accès à la clé d'évolution qui lui sied bien. S'il ne l'utilise pas, il passe à l'éther astral, c'est-à-dire qu'il appartient à ses plans d'énergie après la mort, où la mémoire est la seule forme de conscience. Si la mémoire de l'intelligence karmique n'est pas annihilée pour le bénéfice de l'évolution, un nouveau cycle d'incarnation sera nécessaire. Dans le cas où l'homme transpose sa réalité subjective pour épouser une réalité objective, il est amené à se réconcilier avec la vie, c'est-à-dire à vivre selon les lois de l'intelligence libre plutôt que les lois de l'intelligence karmique. Car la vie, si nous en employons le terme dans un sens neuf, ne peut être compromise par une intelligence qui est liée à l'expérience diminutive de l'homme. Donc, pour que l'homme vise plus loin que ce que peut lui offrir une vie karmiquement frappée, il doit apprendre à se réaliser à l'intérieur d'une mutation psychique qui le pousse à prendre connaissance de lui-même sur tous les plans de sa réalité objective. Sinon, la vie le frappera dans l'événement, car il n'aura pas contrôle sur ce dernier. Et tant que l'homme ne peut contrôler l'événement et subjuguer son pouvoir de souffrance sur l'ego, ce dernier n'est qu'un aspect infériorisé par une intelligence inférieure et dominé par des forces astrales qui éventuellement auront le dernier mot sur la qualité de sa vie. Alors que c'est l'homme qui doit avoir ce dernier mot, car c'est l'homme lui-même qui est en cause et non une quelconque partie de lui qui ne peut être rattaché au pouvoir de l'esprit ni au pouvoir du double. Tant que l'intelligence karmique dominera l'ego, ce dernier sera obligé de se chercher, car toute recherche fait partie ou résulte du manque de contact entre l'esprit, le double et le matériel. Nous parlons ici de contact vibratoire, mental et télépathique. La communication supramentale est aussi naturelle que la pensée subjective. Et l'homme doit un jour le reconnaître et savoir comment profiter de cette intelligence en évitant les pièges de l'astral qui deviennent plus nombreux lorsque l'homme commence à percer à travers les couches brumeuses de son ignorance. L'intelligence karmique, quelle que soit sa clarté apparente, ne peut jamais faire converger vers l'homme l'énergie de son rayon, car pour que l'homme vive du rayon ou du pouvoir de son esprit sur le double à travers l'ego, il faut que toute luminosité astrale soit éteinte et que la vision astrale et spirituelle intérieure ait été remplacée par une intelligence objective entre l'ego et le double pour le bénéfice de l'esprit. C'est l'esprit dans l'homme qui crée l'énergie, qui sert à la communication. C'est le double qui la reçoit. Et c'est l'ego qui s'en nourrit pourvu qu'il soit libre de son intelligence karmique, car cette dernière est un fossé. Et seul celui qui le réalise peut le dépasser. Donc, l'homme doit réaliser que le phénomène karmique, le concept du karma, va beaucoup plus loin que la simple notion philosophique de la loi de cause et d'effet. parce que la loi de cause et d'effet n'engendre pas, lorsqu'elle est étudiée par l'homme, le matériel nécessaire à la compréhension plus profonde du lien entre son intelligence sur le plan matériel et sa mémoire d'âme. Et l'homme doit réaliser que son intelligence karmique est le mécanisme de fond, le mécanisme par excellence qu'il utilise chaque jour de sa vie pour maintenir sur lui, à son insu, la fixité de cette loi karmique, de cette loi de la mémoire. Pour que l'homme détruise et neutralise le karma, il doit dépasser complètement la nature de son intelligence karmique. Il doit comprendre et réaliser profondément que l'intelligence subjective, quelle que soit sa valeur apparente, est tout de même karmique, c'est-à-dire qu'elle est tout de même liée à une mémoire quelconque dont lui n'a expérience qu'à un très faible niveau. C'est pourquoi lorsque la fusion commence pour l'homme, lorsque le développement se fait sur le plan du mental supérieur, permettant à l'esprit d'entrer en contact avec le double, l'homme commence à vivre des changements d'énergie qui s'opposent petit à petit et graduellement d'une façon plus forte, plus marquée, à toute intervention colorée de l'intelligence karmique. De la vibration, à partir de la vibration de l'esprit, l'homme peut voir à travers le jeu, le miroitement, les réflexions de l'intelligence karmique. Il voit les mirages qui, auparavant, auraient été vécus sans contredit. Il s'aperçoit effectivement que ces mirages sont très réel en fonction de sa psychologie passée, mais qu'en fonction de sa nouvelle intelligence libre, leurs réflexions ne peuvent passer inaperçues parce que l'esprit en lui devient de plus en plus créatif, c'est-à-dire de plus en plus présent, donc l'ego devient de plus en plus vigilant. Et devenant de plus en plus vigilant, l'homme devient de plus en plus intelligent, c'est-à-dire qu'il devient plus libre dans son intelligence et commence graduellement à voir les contours d'une nouvelle personnalité à l'intérieur de laquelle se situe solidement une identité qui convient au rapport de plus en plus parfait entre son ego, son double et son esprit. Donc, le karma va beaucoup plus loin que l'on nous l'a laissé philosophiquement supposer. Il va même dans le fond de notre intelligence.